بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في هذه الدروس في مختصر لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. Et dans le cours précédent, wallillahi alhamd, on a fini l'étude en résumé des 12 mois, ou plutôt les mois que l'imam ibn Rajab rahimahullah il a cité fi hadha al-kitab. Et le dernier mois qu'on a étudié ensemble, c'est le dernier mois de l'année, Dhul-Hijjah, wallillahi alhamd. Thumma, pour conclure, il a cité plusieurs majalis, plusieurs fusoul, plusieurs chapitres. Et là où on essaye de terminer en résumant ces derniers chapitres. قال رحمه الله المجلس الرابع في ذكر ختام العام. ثم il a cité un majlis pour conclure les mois de l'année sur ختام العام. Et pour conclure l'année. Et il a cité des points bénéfiques, rahimahullah, ثم قال بعد ذلك يا من يفرح بكثرة مرور السنين عليه إنما تفرح بنقص عمرك قال أبو الدرداء والحسن رضي الله عنهما إنما أنت أيام كلما مضى منك يوم مضى بعضك. ثم إلى فست نصيحة الجميلة سكونسي أن البعض يفرح بكثرة مرور السنين عليه بل بعضهم يفت. Ce qu'ils appellent leur anniversaire. Chaque année qui passe est y fête. Alors que l'ulama, rahmatullah alayhim, ils nous ont démontré que kullama al-insan yamdi shay min umurihi. Et les années, elles passent et c'est sa vie qui passe. فلهذا قال يا من يفرح بكثرة مرور السنين عليه إنما تفرح بنقص عمرك. Et plus l'insan il grandit, plus l'insan il vieillit, plus son échéance elle approche, plus le jour des comptes il approche. Falimada al-farah. Et encore plus étonnant, pourquoi fêter ces années qui passent? Les fêter pourquoi? C'est pour ça que notre religion, walillahi alhamd, dans notre religion, c'est interdit de fêter son anniversaire. Hada c'est sha'nu al-kafirin wa man tashabbaha بهم من المسلمين العاصين وإلا لا شك أن المؤمن qui connaît son دين et qui connaît son objectif et qui fait tout pour le remplir, il s'écarte de هذه الأمور. ثم قال وأنشد بعضهم إن لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل. Et chaque jour qui passe, ça te rapproche de ton échéance et de la fin de ta vie. قال فعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل فعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا. فالمسلم المؤمن doit faire des efforts pour s'améliorer de jour en jour. Il n'a pas besoin de fêter une année qui est passée. Est-ce que tu as une garantie أن الله سبحانه وتعالى il a accepté tes œuvres? Bel qabla dhalik, est-ce que tu as œuvré? Est-ce que ton but c'est de quitter ce bas monde et Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi? Enfin, celui qui a ces points comme principe, hadha al-iman, hadha al-mu'taqad, cette croyance, cette foi, il n'a pas besoin de fêter son anniversaire abadan. Bel, il fait des efforts pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui. قال فعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل. La réussite ou la perdition c'est par rapport aux œuvres. هذا العمل العظيم. Celui qui veut réussir, qu'il fasse beaucoup d'efforts في العبادة. Sincèrement pour Allah سبحانه وتعالى. وقال بعض الحكماء كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره. Comment être réjoui, fêter ces années qui passent, alors que chaque jour qui passe, كما قال يهدم شهره. Chaque jour qui passe, c'est les mois qui passent, et chaque mois qui passe, c'est des années qui passent. قال كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وحياته إلى موته. Comment être réjoui de cela? نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. قال نجد سرورا بالهلاك إذا بدأ وما هو إلا السيف للحتف ينتظى إذا قيل ثم الشهر فهو كناية وترجمة عن شطر عمر قد انقضى. ونعم فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. ثم بعد ذلك قال يا من كلما طال عمره زاد ذنبه يا من كلما بيض شعره بمرور الأيام سود الآثام قلبه. ثم هذه النصيحة pour ceux qui malgré les années qui passent, malgré cet âge qui avance. Et chacun de nous, on vieillit de jour en jour, on prend de l'âge. فهنا قال يا من كلما طال عمره زاد ذنبه. بعض الناس كلما يبخنوا l'âge, plus ils prennent de l'âge, plus ils font des péchés. Normalement, le mu'min il doit s'assagir avec l'âge. Il doit prendre des leçons de tout ce qui s'est passé dans sa vie. كلما يبخن de l'âge, كلما il fait des efforts ويتوب et il s'améliore. يا من كلما بيض شعره بمرور الأيام سود بالآثام قلبه. بعض الناس كما قال هنا أنهم يبيض شعره أي c'est le fait que les cheveux ils deviennent blancs à cause de l'âge et le cœur il devient noir à cause des péchés. ونحن on doit faire attention لهذا. Si on commence à avoir des cheveux blancs, enfin on doit encore faire plus d'efforts pour que ce cœur كذلك il devienne blanc. فالذنوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ça fait des taches noires dans le cœur. Et التوبة والإيمان ça enlève ces taches بإذن الله عز وجل. قال يا من تمر عليه سنة بعد سنة وهو مستثقل في نوم الغفلة والسنة. Jour après jour وبعض الناس ils sont toujours dans leur insouciance. كأنهم يدورم. كأنهم ils ne sont pas concernés par toutes ces les échéances qui arrivent. Min maut wa fitnat al qabr wa al su'al wa al ba'th wa yawm al qiyamah wa al hisab wa al sirat wa al janna wa al nar. Toutes ces étapes qui attendent al mu'min. Et chacun de nous on passera par ces étapes. Avoir des nas ils sont fi ghaflatin sahiqa. Ils sont dans une insouciance ajiba. Kanahum ils sont pas concernés. Bal min al ajib an al ba'd quand il parle de certaines choses, qu'anahum, ils ne sont pas concernés. Mathalan, quelque chose de haram, et il sait qu'un frère ou une sœur, ils ne font pas ces choses haram, et ils disent, mais non, il ne faut pas faire ça, lui, il n'aime pas, ou lui, il ne fait pas ces choses. Mathalan, il prend une photo, ou il fume, ou il fait un péché parmi les péchés, et il admet qu'un tas, tu ne le fais pas, qu'anahum, il n'est pas concerné. Est-ce que ces choses, c'est haram que pour moi, et ce n'est pas haram pour toi? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé هذه الشريعة العظيمة que pour certaines personnes et un tas tu n'es pas concerné. Enfin, c'est quoi qui fait que بعض الناس ils ne se sentent pas concernés? C'est al-ghafla, c'est l'insouciance. ثم قال يا من يشاهد الآيات والعبر كلما توالت عليه الأعوام والشهور ويسمع الآيات والصور ولا ينتفع بما يسمع ولا بما يرى من عظائم الأمور. وهذا on doit faire très très attention. Les jours ils passent. Les années, elles passent. Les mois, ils passent. Et c'est ça le but de l'étude de ce livre. Le temps qui passe. Là, al-mu'min, il voit des choses, il entend des choses. Enfin, s'il ne tire pas profit, s'il ne s'améliore pas, là, il se fera beaucoup de mal. قال ولا ينتفع بما يسمع ولا بما يرى من عظائم الأمور. ما الحيلة في من سبق عليه الشقى في الكتاب المستور فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه c'est une إشارة إلى ces deux versets pour conclure, pour montrer أن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui guide. بعض الناس Ils voient, ils ont la vue, lakin le cœur il est aveugle. بعض الناس la lumière elle est en face d'eux, lakin ils n'arrivent pas à voir cette lumière. La lumière du Coran, la lumière de la Sunna, la lumière de la guidée. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos œuvres. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite ces états et ce bas monde, cette durée de vie que Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous donné. فَبِهَذَا il a conclu رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى tous les chapitres sur les mois de l'année. ثُمَّ قَالَ فَصْلٌ وَيَلْتَحِقْ بِوَظَائِفْ شُهُورِ السَّنَةِ الْهِلَالِيَّةِ وظائف فصول السنة الشمسية وفيها ثلاثة مجالس. ثم après avoir cité رحمه الله les mois de l'année, avant de conclure, il a cité un fasl sur les saisons de l'année. Il a cité trois saisons: الربيع والشتاء والصيف, أي le printemps, l'été et l'hiver. Et ذكر فوائد كثيرة. قال رحمه الله وفصول السنة تذكر بالآخرة. فصول السنة, celui qui médite sur les mois de l'année, c'est un énorme rappel sur l'au-delà. قال فالشدة حر الصيف يذكر بحر جهنم. أي durant l'été, les périodes de forte chaleur, ce qu'on vit en ce moment, normalement ça doit nous rappeler l'enfer. لأن patienter face à cette chaleur et بعض الناس ça leur fait du mal, etc. Là, chacun on est touché par rapport à l'endroit où il vit, par rapport à sa patience, par rapport à beaucoup de choses. Là, chacun ça doit nous rappeler هذه النار العظيمة. أما cette chaleur الآن ولله الحمد, on vit à une époque أن بعض الناس ils ont la climatisation. ولله الحمد, si tu as vraiment chaud, tu peux te laver, te rafraîchir. Tu peux aller dans un endroit où il y a de l'ombre. Tu peux rester chez toi et sortir quand il fait moins chaud. Amma naru jahannam, l'insan ne peut pas s'en protéger, sauf celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il sauve. Amma ceux qui rentreront fin nar, et encore plus al-kuffar qui resteront éternellement, ils ne profiteront plus de cette fraîcheur, de cette eau froide, de cette ombre. Tout ça, ça fait partie des ni'am que al-mu'min, chaque croyant, il doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. قال وهو من سمومها والشدة برد الشتاء يذكر بزمهرير جهنم وهو من زمهريرها. كذلك les périodes où il fait très très froid, ça doit nous rappeler كذلك الزمهرير. الزمهرير c'est le froid extrême. Et c'est un châtiment parmi les châtiments de l'enfer. فَفِنَّارِ, il y a bien sûr le feu, et كذلك il y a le froid extrême. كَمَا سَيَأْتِ إِنْشَاءَ. قَالَ وَالْخَرِيفِ يَكْمُلُ فِيهِ اشْتِنَاءُ الثَّمَرَاتِ الَّتِي تَبْقَى وَتُدَخَّرْ فِي الْبُيُوتِ فَهُوَ مُنَبِّهٌ عَلَى اشْتِنَاءِ ثَمَرَاتِ الْأَعْمَالِ فِي الْآخِرَةِ. أما الخريف, أي l'automne, en général c'est pour la récolte de certains fruits, ou plutôt pour stocker certains fruits. C'est un rappel pour Al-Mu'min. Il doit se préparer, comme Bardanas, il se prépare avec les cultures, avec la récolte. Il se prépare pour l'année. Al-Mu'min, il doit se préparer pour l'au-delà avec des œuvres, avec des actes. Le printemps, c'est la meilleure saison. Al-Rabi'a, le printemps, est la plus agréable. فلهذا قال وهو يذكر بنعيم الجنة وطيب عيشها. Et الربيع, le printemps, ça rappelle al-Jannah. Ça doit nous rappeler al-Jannah. Ça doit nous efforcer à faire des efforts, comme cette période de printemps avant les fortes chaleurs. C'est très très agréable. فما بالك بجنة عرضها السماوات والأرض. ثم قال رحمه الله. On revient au premier fasl. On a cité هذه الكلمة, c'était une parole pour montrer pourquoi il a cité les saisons dans ce livre. ثم قال المجلس الأول في ذكر فصل الربيع, la première saison الربيع, le printemps. قال خرج في الصحيحين أي الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل ما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه سينزل عليه أي قرآن، ثم جعل يمسح عن جبينه. قال أين السائل؟ قال أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث il a mis en garde contre فتنة الدنيا، contre cette الدنيا، c'est une fitna عظيمة. Un homme lui a posé une question، هل يأتي الخير بالشر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل؟ قال أنا. قال لا يأتي الخير إلا بالخير. Est-ce que le bien ça peut apporter un mal؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير لا يأتي إلا بالخير. Le bien ça emmène le bien. قال إن هذا المال خضرة حلوة وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاشترت وثلثت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال خضرة حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. الحديث دونك إلى في الصحيحين. لماذا الإمام ابن رجب رحمه الله لا سيتي هذا الفصل؟ Et pourquoi il a cité les saisons dans ce livre? Le mois, Faslu al-Rabi', le printemps, il l'a cité les Mada pour te rappeler que cette dunya, toutes ces choses que tu vois durant le printemps, la verdure, tous ces fruits, tous ces légumes, toutes ces fleurs, toutes ces plantes, ihdhar, ad-dunya c'est exactement comme cela. À un moment donné, de la verdure, et tu es ébloui par certaines choses, tu apprécies certaines choses. Thumma l'été il vient et toutes ces choses elles disparaissent. Thumma l'hiver il vient, l'automne il vient, l'hiver il vient et le froid il a akhir. Hakada hadith dunya, elle est instable. Ali hada il a cité hada al hadith, thumma qala rahimahullah fa amma al mal faqad qala sallallahu alayhi wa sallam innahu khadiratun hulwa. وقد وصف المال والدنيا بهذا الوصف أحاديث كثيرة. ففي الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم سأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا المال c'est pas haram. لكن l'argent, tous ces biens de ce bas monde, c'est pas interdit, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. لكن on doit faire attention. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا المال خضرة حلوة. C'est attirant. L'être humain, il est comme ça, il aime avoir des biens, il aime avoir de l'argent, il aime posséder des choses. لكن احذر que هذا المال, cet argent, et كذلك tout ce bas monde, tout ce qui attire les êtres humains, fais attention que ça ne soit pas une cause que ça t'écarte de ton dîn. Les mazaliana, c'est des choses qui disparaîtront. Exactement comme pendant le printemps. En général, il y a beaucoup de verdure. Les mazaliana, il pleut, thumma, il y a du soleil, il y a akhiré. Thumma, l'été il vient et tu trouves cette verdure, elle disparaît. Hakada hadihi dunya. Thumma qala rahimahullah. وقوله صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخصر إلا آكلة الخضر بلتو. قال مثل آخر ضربه صلى الله عليه وسلم لزهرة الدنيا وبهجة منظرها وطيب نعيمها وحلاوته في النفوس فمثله كمثل نبات الربيع. C'est pour ça que cet exemple il est très très profitable liman ta'ammal. Fa nabatu ar-rabi' ay tout ce qui pousse durant le mois de printemps, qala wa huwa al-mar'a al-khadir alladhi yanbutu fi zaman ar-rabi' fa innahu yu'jibu ad-dawab allati tar'a fihi wa tastatibuhu wa takthur min al-akl min akthar min qadr hajatiha. C'est pour ça que les animaux à cette période ils mangent beaucoup. حتى certains animaux ils mangent tellement كما قال هنا وتكثر من الأكل منه أكثر من قدر حاجتها لاستحلائها له فإما أن يقتلها فتهلك وتموت حبطا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حبطا certains animaux tellement qu'ils mangent ربما ça leur fait du mal et ils meurent هكذا celui dont l'objectif principal c'est que ce bas monte il va manger il va gagner des choses لكن il va tuer son cœur قال رحمه الله والحبط انتفاخ البطن من كثرة الأكل هذا قوله صلى الله عليه وسلم يقتل حبطا أي certains animaux ils meurent tellement qu'ils mangent dans cette période et leur ventre il gonfle et ça cause leur mort قال أو يقارب قتلها ويلم به فتمرض منه مرضا مخوفا مقاربا للموت فهذا مثل هذا مثل من يأخذ من الدنيا بشره وجوع نفس من حيث لا لا لاحت له لا بقليل يقنع ولا بكثير يشبع ça c'est le cas de ceux qui sont attirés par dunya ils ne sont jamais rassasiés لا يشبعون et ils ne se suffisent pas du peu ils veulent toujours plus حتى عيدا بالله بعضهم يهلك jusqu'à que certains tellement qu'ils font des efforts في هذه الدنيا ils oublient leur din ils n'adorent plus Allah subhanahu wa ta'ala ويهلكون. Exactement comme ces animaux qui n'ont plus de limite. Tellement qu'ils apprécient cette nourriture et ils ne savent pas s'arrêter, ils meurent. قال رحمه الله ولا يحلل ولا يحرم بل الحلال عنده ما حل بيده وقدر عليه والحرام عنده ما منع منه وعجز عنه. هنا, on doit faire attention. لماذا لأن هذه الدنيا bien sûr qu'il y a des choses permises, il y a des choses halal, il y a des choses interdites. Enfin, on doit avoir ses limites. Amma celui, comme il les a décrits هنا, l'imam ibn Rajab rahimahullah, al-halal indahumma halla biyadihi wa qadr alayhi. Wa'ad al-nas, al-halal pour eux c'est quoi? C'est tout ce qu'il peut prendre. Et il a plus ses limites. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit cette chose? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit cette chose là? Tant qu'il peut prendre, il prend. Et ce qu'il prend pour lui c'est halal. Qal wal-haram indahumma muni'a wa ajaza'an. Et l'haram c'est quoi pour lui? C'est les choses qu'il n'arrive pas à faire. Dans ce cas, c'est au niveau du haram pour lui. Là, c'est très très grave. Là, nous, walillahi alhamd, on est des croyants et Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré des choses. Il nous a ordonné certaines choses, il nous a autorisé d'autres, il nous a interdit certaines choses. Enfin, le mu'min, il doit, fi hadhihi ad-dunya, avoir ses limites. ثم قال رحمه الله وأما استثناؤه صلى الله عليه وسلم من ذلك آكلة الخضر النبي صلى الله عليه وسلم quand il a cité que certains animaux ils mourent ou ils tombent malades à cause de cette nourriture qui est très abondante durant le mois de printemps ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a cité cette exception آكلة الخضر قال ابن رجب رحمه الله فمراده بذلك مثل المقتصد الذي يأخذ من الدنيا بحقها بمقدار حاجته فإذا نفد واحتاج عاد إلى الأخذ منها قدر الحاجة بحقه النبي صلى الله عليه وسلم il a cité cette exception أي c'est le cas du mu'min qui fait attention qui pense à l'au-delà qui sait, qui est convaincu que ce bas monde, c'est pas notre objectif c'est pas une fin en soi Evident, ce bas monde, ça nous aide c'est une étape on s'en sert pour l'au-delà enfin, il prend ce qu'il a besoin et il délaisse le reste Et il fait attention, bien sûr, au halal et au haram. قال وآكلة الخضر دويبة تأكل من الخضر أي c'est une bête تأكل من الخضر بقدر حاجتها إذا احتاجت إلى الأكل cette bête elle mange par rapport au besoin dès qu'elle a besoin elle mange un peu ثم تصرفه عنها فتستقبل عين الشمس فتصرف بذلك ما في بطنها وتخرج منه ما يؤذيها من الفضلات et cette bête elle est عجيبه Quand elle mange, au bout d'un certain temps, elle arrête et elle s'expose au soleil jusqu'à ce que ces choses sortent de son ventre. Et toutes les mauvaises choses, elles disparaissent. C'est l'exemple du mu'min. Il prend ce qu'il a besoin. Notre objectif, ça devient dunya. On pense qu'à ça. Tous nos efforts, c'est pour ce bas monde. Ça fait beaucoup de mal. ثم قال رحمه الله الدنيا خضراء الدمن ومعنى ذلك الدنيا خضراء الدمن ils ont rapporté un hadith في هذا لكن كأنه فيه ما في فيه ضعف. قال ومعنى ذلك أن خضرتها نابتة على مزبلة منتنة. تأمل هذا، الدنيا خضراء الدمن. أي سأفجر كوا هذا؟ سأفجر أن خضرتها نابتة على مزبلة منتنة. C'est ça l'exemple de cette dunya. Cette verdure que tu vois, il a akhiré. Ces fruits, ces légumes, toutes ces choses que la plupart des gens ils aiment voir. فهذه الأمور هذه الخضراء قال نابتة على مزبلة منتنة. المزبلة c'est les ordures, une poubelle, une décharge. فكأن cette verdure elle a été plantée au-dessus de هذه المزبلة. قال يا دني الهمة. قال رحمه الله يا دني الهمة قنعت بروضة على مزبلة. أي الإمام ابن رجب رحمه الله يخاطب إخوانه المؤمنين, ceux qui sont attirés par dunya. Est-ce que tu es satisfait et tu es attiré, ton objectif principal c'est devenu هذه الروضة, ces jardins qui poussent dans des décharges au milieu des poubelles. C'est ça l'exemple de dunya. C'est pour ça qu'on doit faire très très attention. قال والملك يدعوك الى فرد الى الفرد الى فردوسه الاعلى. Alors que le ملك Allah subhanahu wa ta'ala il t'ordonne de faire certaines choses, il t'a montré le chemin, il t'appelle à faire des efforts pour gagner الفردوس الاعلى, les jardins du paradis, le plus haut degré. قال عز وجل ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. Est-ce que vous délaissez l'au-delà pour ce bas monde. Hakada yaqulu Allahu 'azza wa jalla, araditum, est-ce que vous êtes satisfait de cette dunya et vous délaissez l'au-delà? Fama mata'u al-hayati ad-dunya fi al-akhirah illa qalil. Ay, la comparaison entre dunya et l'akhirah, al-mata', al-mata' c'est le fait de profiter, d'apprécier, de jouir de certaines choses. Enfin, tout ça par rapport à au bienfait et au délice, à la récompense de l'au-delà du paradis. C'est qalil. C'est qalil. Et هذا, ça nous montre ماذا? Ça nous montre أن المؤمن il ne peut pas faire beaucoup d'efforts في الدنيا et beaucoup d'efforts pour l'akhira. Là, le mؤمن il doit choisir. Ça ne veut pas dire qu'on délaisse. انتبهوا. لكن كما تقدم dans le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, on prend ce qu'on a besoin. أما avoir comme objectif principal le bas monde et وهكذا avoir pour objectif principal l'akhira, هذا هذا c'est pas, on peut pas assembler هذا. C'est pour ça que l'objectif il est principal, il y en a un, ça doit être l'akhira. Et cette dunya on s'en sert et on l'utilise pour l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour qu'on fasse des efforts pour cette échéance l'akhira, les comptes. قال رحمه الله أرضيتم بخربات البلا من الفردوس يا لها صفقة غبن ما أخسرها أتقنع بخصائص الحشائش والرياض ما نعم معشبة بين يديك. هذا كلام الحافظ رحمه الله. أي montre أن faire ce choix délaisser l'au-delà, l'éternité avec tous ces délices que Allah سبحانه وتعالى il a préparé pour les croyants pour هذه الأمور خصائص الحشائش والرياض. Hey, c'est les bienfaits mondains de ce bas monde. Un jour tu es content, un jour tu es triste. Un jour il y a de la verdure, un jour il y a de la sécheresse. Un jour tu as de l'argent, un jour tu n'as plus. Même les délices quand tu en profites de ad-dunya. Vite fait, l'être humain il est lassé. Se concentrer sur ces choses qui disparaîtront. Que très vite l'être humain il est lassé. Et même ces choses, elles n'ont pas, bien sûr, niveau délice, le niveau de l'akhira. Hada, c'est min adam at-tawfiq. C'est pour ça qu'on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite, qu'il fasse de nous des croyants dont l'objectif, c'est l'au-delà. Falihada ja'a fil hadith, Allahumma la taj'al akbar hammina, Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. Ta'amman ce hadith, Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أي الله نفي با que notre principal objectif tous nos efforts il a arrêté ça soit pour الدنيا. الهم c'est nos soucis. Ça montre quoi? قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر همنا. Ça veut dire que on doit pas délaisser الدنيا complètement, لكن que ça devient أكبر همنا, Notre principal souci, on pense qu'à ça, on n'œuvre que pour ça. Hada, c'est tariq ou al-khasara. Hada, ça emmène l'être humain à sa perdition. Wa ma halaka man halak min yahoud ou nasara wa sa'ir al-mushrikin wal-mulhidin wal-kafirin ma halaku, tous ceux qui se sont égarés, c'est à cause de dunya. Tous, ayyadan billah. ثم قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أخذه بحقه ووضع في حقه فنعم المعونه هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي pour montrer que le mu'min ولله الحمد il a pas la les pensées les principes de al munharifun min al sufiya etc أنهم il faut délaisser complètement le dunya أبدا قال من أخذه بحقه أي هذا المال celui qui prend cet argent بحقه ووضعه في حقه et il le prend honnêtement, fait le halal, et il dépense cet argent, fait haqqi. N'am, matalan, s'il doit sortir zakat, il sort zakat, il achète des choses halal, il a akhri, il dépense pour sa religion. Fa ni'ma al-ma'ounatuhu. C'est une ni'ma. Al-ma'ouna, ça vient de l'aoun, c'est quelque chose qui va t'aider. Et c'est un bienfait parmi les bienfaits d'Allah. Qal wa man akhadahu bi ghayri haqqihi kana kalladhi ya'kul wa la yashba. Et celui qui le prend min ghayri haqqi, il m'a avec du haram. Donc, cet argent, il est utilisé dans des choses haram, et il pense plus qu'à cet argent. Enfin, قال النبي صلى الله عليه وسلم, كالذي يأكل ولا يشبع. Il va devenir comme ceux qui mangent et qui ne sont jamais rassasiés. Celui qui mange et qui n'est jamais rassasié, il pense qu'à manger. Et celui qui pense qu'à manger, il fait tout pour chercher de la nourriture. هكذا صاحب الدنيا. Il ne sera jamais satisfait, il pensera qu'à cette dunya, jusqu'à ce que l'ange de la mort, il récupère son âme, il reprenne son âme, et il est في هذا الحال والله المستعان ثم قال رحمه الله تقسيم لمن يأخذ المال إلى قسمين ثم les gens par rapport à l'argent ils sont de deux catégories قال فأحدهما يشبه حال آكلة الخضر وهو من أخذه بحقه ووضعه في حقه le premier cas c'est comme le cas que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité dans le hadith et comme cette bête qui mange un peu quand elle a besoin quand elle a plus besoin elle délaisse فهؤلاء ولله الحمد c'est أهل الخير c'est ceux qui veulent le bien qui espèrent le bien et qui font du bien نعم كما جاء في الحديث أو في حديث عمرو ابن العاص رضي الله عنه أو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للرجل الصالح الحديث إلى صحيح نعم المال الصالح للرجل الصالح أي si الإنسان il est pieux il fait des efforts dans son dîn et en même temps il a de l'argent qu'il a gagné bien sûr honnêtement dans le halal et qu'il dépense dans le halal ou dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est une ni'ma ni'ma al-mal c'est un énorme bienfait cet argent et cet homme كذلك, ou cette femme ils profiteront ça nous montre anna, notre dîn il ne nous encourage pas à la pauvreté comme certains y pensent abadan il faut différencier entre la pauvreté et le fait de penser qu'à dunya. Et il faut différencier entre la richesse et ceux qui ne font pas de bien. Et tu peux trouver un pauvre qui est attiré que par dunya. Lakin il n'arrive pas. Et il pense qu'à ça. Et tu peux trouver un riche, c'est un homme pieux, qui pense beaucoup à l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a donné. Enfin, c'est pour ça que tu trouves une ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, qui était riche. Et là, chacun a les compagnons, c'était des hommes pieux. Les meilleurs des hommes après les prophètes, alayhim as-salat wa salam. Enfin, on ne doit pas mélanger vihada et exagérer. Abadan. Al-mizan, c'est quoi? C'est attar. L'argent ou la pauvreté, c'est pas une chose qui va t'élever. L'argent ou la pauvreté. Là, ce qui élève, c'est la piété. Falihada qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ni'ma al-mal as-salih lir-rajul as-salih. Celui qui est riche et qui est pieux, il sera élevé indallah. Celui qui est pauvre et qui est loin de la piété, la shak, annahu, il ne sera pas élevé indallah. Hada, c'est un point important. قال وهو الذي يأخذه بحقه ويضعه في حقه فهذا يوصله ماله إلى الله عز وجل. تأمل قوله فهذا يوصله ماله. يوصله أي cet argent, ça va être une cause qui va rapprocher cet être humain إلى الله. Donc l'argent, c'est une ni'ma azima. C'est un bienfait énorme pour celui qui sait l'utiliser. Il sait comment l'utiliser. Et bien sûr, qui a pris cet argent, honnêtement, et il sait comment l'utiliser. Enfin, cet argent, ça peut être une cause qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qal wal qism athani yushbihu hal haluhu hal al baha'im. Le deuxième cas, ils sont comparables à des animaux. قال التي ترعى مما ينبت الربيع فيقتلها حبطا او يلم. Comme certaines bêtes, on a dit, tellement qu'elles mangent, imma elles meurent, imma elles tombent malades. Et ça arrive beaucoup. Certaines dans la saison du printemps, et après que les champs ils sont remplis de graines, de verdure, de plantes, il a créé certains animaux, ils n'arrivent pas à se contrôler et ils sont faits du mal. Hakada, certaines personnes. قال وهو من يأخذ المال بغير حقه فيأخذه من الوجه المحرمة فلا يقنع منه بقليل ولا بكثير. هذا أولا cet argent il le prend du haram. ثم قال ولا تشبع نفسه من. Et il est jamais rassasié. Il veut toujours plus. Vu qu'il veut toujours plus, ça devient son objectif. Si c'est son objectif, ça l'écartera de l'objectif principal. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et celui qui pense qu'à dunya, ça l'écartera forcément de l'ibadah. Celui qui pense qu'au bienfait de ce bas monde, ça l'écartera de l'au-delà. قال ولهذا قال وكان كالذي يأكل ولا يشبع وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من نفس لا تشبع. تأملوا نصيت لبخبي حديث اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. Et on demande à Allah سبحانه وتعالى que ce bas monde, ça ne devient pas notre objectif. On pense qu'à ça. Tous nos soucis, c'est par rapport à ce bas monde. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que notre hum, notre préoccupation principale, ça soit l'au-delà. Wa fi hadha al-hadith yata'awwad min nafsin la tashba. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a demandé protection contre un nafs, une âme, un corps, la tashba, qui n'est jamais rassasié. Enfin, si on rassemble les deux hadiths, notre objectif principal, ça doit être l'au-delà. On doit faire attention et prendre garde de la fitna de ce bas monde. Et on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala al-qana'a. Aïe, que ce qu'on a, ça soit suffisant pour nous. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala yubarik lana fi amwalina, wa fi ilmina, wa fi a'malina, wa fi awladina. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la baraka, même si on a peu, bi'idhnillahi azza wa jal, ça sera très utile. ثم قال وقد ضرب الله تعالى في كتابه مثل الدنيا وخضرتها ونظرتها وبهجتها وسرعة تقلبها وزوالها. Et في القرآن tu as plusieurs versets, beaucoup de versets, أن الله سبحانه وتعالى il compare هذه الدنيا, ce bas monde, à la verdure, à la terre qui pousse et qui est embellie au mois du printemps. ثم comment cette terre elle change très très vite. فتأمل قوله عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. Donc cette dunya elle est comparable à cette eau que Allah subhanahu wa ta'ala il fait descendre du ciel. Et la pluie. فاختلط به نبات الأرض. Cette pluie, ثم les graines qui sont dans la terre, elles vont pousser grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il a causé la pluie. قال فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم au bout d'un certain temps, ces plantes et toute cette verdure, il n'y a plus de pluie et tout ça disparaît. هكذا هذه الدنيا. Pourquoi s'accrocher à une chose qui va disparaître? Pourquoi mettre toute notre force dans une chose qui va disparaître et qui ne dure pas et qui fait beaucoup de mal si on ne sait pas se limiter. ثم قال رحمه الله واجسام بني ادم. Et beaucoup d'autres versets wallahi alhamd qu'on a cités dans notre la première kalima sur la série des étapes de l'au-delà. Sur la première kalima c'était sur fitna ad-dunya, la fitna de ce bas monde, les tentations de ce bas monde, et on avait expliqué hada wallahi alhamd plus en détail. ثم قال واجسام بني ادم بل وسائر الحيوانات كنبات الارض تتقلب من حال الى حال بل انت ايها الانسان. En tant qu'être humain, toi-même tu es comparable à هذه النبات. هذه النبات qui te change beaucoup de situations. Cette graine elle est dans la terre, ثم quand il pleut elle pousse, ثم la sécheresse elle disparaît, وهكذا. Le corps de l'être humain c'est la même chose. قال ثم تجف وتصير ترابا قال الله تعالى والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé à partir Il a créé notre père Adam alayhi salatu salam à partir de la terre. Thumma, on retournera tous à cette terre. Thumma, on sortira tous de cette terre le jour de la résurrection. Exactement comme les graines. C'est un mythal azim liman ta'ammal. Thumma qala wa mal mar'u illa kan nabati wa zahruhu يعود رفاة بعد ما هو ساطع فينتقل ابن آدم من الشباب إلى الهرم ومن الصحة إلى السقم ومن الوجود إلى العدم. Ça c'est les étapes de l'être humain. Enfant, ثم un jeune, ثم un vieux. Exactement comme cette graine qui pousse. ثم elle meurt. Et هكذا la bonne santé, la maladie. Exactement comme les graines. Les graines qui sont en bonne santé, ثم rien, ils sont touchés par certaines maladies, par des choses, et ces plantes, elles meurent, ou ces fleurs, ou autres. قال ومن الوجود إلى العدم. وهكذا, cette graine qui est devenue une plante ou autre, ثم elle disparaît, elle meurt. هكذا l'être humain. لكن قوله إلى العدم, l'être humain, ne pas comprendre, on a l'adam, le néant, l'être humain, il disparaîtra jamais, abadan. Wallahi alhamd, chaque mu'min, il a cette croyance, on a cet être humain, il mourra, il disparaîtra, et il sera ressuscité. Et celui qui pense à cette résurrection, et ça devient son objectif, comme on rappelle depuis le début, bi'idhnillahi azza wa jal, ça sera très très profitable. Thumma qal, rahimahullah, qala wa muddatu shabab qasira, ka muddati zahrati rabi'a, وبهجته ونظراته. ثم il a comparé le mois du printemps, vu que c'est le meilleur mois, vu que c'est le mois que les gens ils aiment le plus, c'est exactement comme la jeunesse dans ta vie. La jeunesse, c'est la période où l'insan il a sa santé, où il a le plus de santé, أنه son corps ولله الحمد il est dans la meilleure situation, il a arrêté. فهكذا le printemps. فتأملوا cette comparaison. ومدة الشباب قصيرة كمدة زهر الربيع وبهجته ونظراته. لكن cette période qui est comme le printemps, elle est très très courte. قال فإذا يبس وبيض فقد آن ارتحاله كما أن الزرع إذا بيض فقد آن حصاده. Et كذلك, ce jeune, quand il va commencer à prendre de l'âge, et ses cheveux vont commencer à devenir blancs, et sa peau elle va commencer à se rider, il a arrêté, ça montre qu'il passe de étape en étape et il va bientôt mourir. هكذا, au printemps, quand cette graine elle pousse, ça devient une plante, ثم elle commence à changer de couleur, il a arrêté, elle jaunit ou elle blanchit, ça montre que c'est bientôt la période de l'hasad. Si tu prends l'exemple du blé, au début, c'est la plante, elle est verte, il a arrêté, elle blanchit, elle jaunit. Arrivé à un certain moment, les agriculteurs, ils savent qu'ils doivent récolter, couper tout cela pour en profiter. Ah, qu'est-ce que notre vie. ثم قال رحمه الله وقد يدرك الزرع آفات قبل بلوغ حصاده فيهلك. هذه c'est une remarque طيبة. لكن est-ce que tout le monde arrive à dépasser la période de la jeunesse? أبداً. Exactement comme ces plantes. Certaines plantes, elles n'atteignent pas leur maturité. Et avant d'être cultivées, d'être coupées, elles meurent. À cause de certaines maladies, à cause de certains insectes, il a arrêté. قَالَ كَمَا أُشِرَ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى إِذَا أَخَدَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزِيَنَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الآية قال ميمون بن مهران لجلسائه يا معشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع إذا بيض. C'est pour ça que ميمون بن مهران رحمه الله il a posé cette question à ceux qui étaient assis معه. Il leur a dit ما ينتظر بالزرع إذا بيض. Maintenant, si on prend l'exemple du blé, quand il jaunit, il blanchit, qu'est-ce qu'on attend pour le couper? Qalou al-hasad. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend? On doit le cultiver, le couper pour en profiter. Wa illa fa sayamut. Khassatan s'il y a beaucoup de soleil, tout ce blé, il sera plus consommable. Qala fa nadhara ila ash-shabab. Après avoir cité cet exemple, il a regardé les jeunes. Faqal ya ma'shara ash-shabab, inna az-zar' qad tudrikuhu al-afa qabla an yustahsad. Moi, il a conseillé les jeunes, il leur a dit « Oh jeunes, y'alamou, anna ce blé que vous voyez, ahyanan, on n'a pas le temps d'attendre et il meurt avant à cause de quelque chose. Il m'a le froid, il m'a beaucoup de pluie, il m'a des insectes, il m'a... Mouhim, des choses que les agriculteurs y connaissent. Enfin, il leur a montré, Anna, Ayuha Shabab, tu es jeune, ne pense pas que tu ne vas pas mourir. Combien de jeunes y meurent pendant, durant leur jeunesse? C'est pas tout le monde qui vieillit. Ah, là, ça nous montre mal à tous ces MT-là. Ah, non, on doit faire attention. Les anamines fitnet et dunya parmi les tentations de ce ballon, c'est croire qu'on va rester longtemps. Comment on repousse le repentir? Comment on repousse les actions? On repousse le bien. Et on se consacre qu'à dunya? Bah, c'est le disent clairement. Je vais travailler, je vais faire, je vais faire. Et plus tard, quand je vieillirai, je ferai le hajj. Plus tard, pardon, ils ont des pensées agibles. Ah non, mais ils comptent faire la salat à partir de 40 ans, à partir de 50 ans. Ouma Yudrik, qui c'est qui t'a informé? Qui c'est qui t'a informé qu'une œuf, comme certaines choses, elles font du mal à certaines plantes, et elles ne les laissent pas pousser, elles ne les laissent pas grandir, elles atteignent leur maturité, et les êtres humains ou les animaux, ils en profitent. En tant qu'être humain, est-ce que tu as une garantie que tu vas rester? Est-ce que tu as une garantie, tu as un pacte avec l'ange de la mort, Anahu, il doit venir récupérer ton âme à telle date? Fana'oudou billah min al-khidlan, wa na'oudou billah min al-hawa. Tout ça, c'est quoi? C'est ce cœur qui est attiré par Dunya et il essaye de se rassurer et repousser. Demain, demain, je ferai. Thumma qala, rahimahullah, wa min wujuh al-i'tibar fi nazar ila al-ard allati ahyaha Allahu ba'da mawtiha fi fasl al-rabi' بما ساق إليها من قطر السماء أنه يرجى من كرمه أن يحيي القلوب الميتة بالذنوب وطول الغفلة. Un autre exemple, et c'est le dernier de هذا المجلس الطيب, si tu prends l'exemple, le printemps, qu'est-ce qui se passe? Le printemps, quand il pleut, après ça dépend des régions, certains c'est décalé, certains ils n'ont pas les quatre saisons, il a akhiri, lakin, on reste sur le kalam d'Ibn Rajab, et pour simplifier, Anna, le printemps, c'est une période où, quand il pleut, il y a du soleil, la terre morte, la terre asséchée, elle devient verte, les animaux, ils profitent, les oiseaux, ils profitent. Ah, kada les cœurs. Ça te montre mal, hada. قال رحمه الله أنه يرجى من كرمه أن يحيي القلوب الميتة بالذنوب وطول الغفلة. هذا سان اكزامبل عظيم pour nous. Et qu'on ne doit pas désespérer. Même si on a fait des péchés, même si notre cœur il a durci, même si on a des problèmes, on est attiré par dunya, on est dans l'insouciance et on sent cette dureté du cœur, ne désespère jamais. Les Allah subhanahu wa ta'ala, il fait revivre la terre morte. Ahyanan, après une longue durée, tu te trouves dans des endroits, à cause de la sécheresse, pendant 1, 2, 3, 10 ans, ils sont touchés par la sécheresse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, bi rahmatihi, il fait descendre la pluie et cette terre, elle revit. Hakada nos cœurs. Là, qui on doit faire les causes. Et parmi les plus grandes causes, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse vivre nos cœurs, qu'il nettoie nos cœurs de hadhihi al-shahawat et des choubouhat et de tout ce qui peut nous écarter de notre dîn. قَالَ بِسَمَعَ الذِّكْرَ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ. Et ça, c'est une autre cause. Parmi les choses, la plus grande cause avec le dua, c'est la lecture du Coran. قَالَ وَإِلَى ذَلِكَ الْإِشَارَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Ça nous montre quoi? أن هذا الخشوع. الخشوع, c'est dans le cœur. La quiétude, le recueillement, cette concentration, cette espérance qui est dans le cœur, c'est bil-dhikr et c'est bil-Qur'an. Qala ila qawlihi i'lamu anna Allah yuhyi al-ard ba'da mawtiha. Dans ce verset, dans ces versets min sourate al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité les deux cas. Il a cité la terre morte qui revit avec l'eau et kadhalik les cœurs qui revivent avec dhikr et avec al-haq. Ala bi-dhikr Allah تطمئن القلوب هكذا قال عز وجل فالعناية بالذكر on doit faire beaucoup de ذكر faire beaucoup d'efforts dans le ذكر et كذلك الدعاء et كذلك la lecture du Coran et كذلك parmi les causes qui font vivre ce cœur et qui font monter l'Iman tout ce qu'on a étudié ولله الحمد dans البراهين العقلية أي التفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية le fait de méditer sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien sûr le Coran et la Sunna. Thumma qala, rahimahullah, al-majlis al-thani. Est-ce que on peut terminer ou on passe directement لأن يغست المجلس الثاني نعم وفي لي تري كور ثم le درس suivant on essaye de faire un deuxième درس après pour pouvoir finir aujourd'hui on fera les ce qu'il manque ثم قال المجلس الثاني في ذكر فصل الصيف ثم après avoir cité la saison du printemps et beaucoup de فوائد ولله الحمد استفدنا ذكر فصل الصيف اي l'été. Et ce fasl, il est très très profitable. لماذا؟ لأن c'est cette période qu'on vit en ce moment. فتأملوا معي. قال خرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعض بعضا فأذن لها بنفسين. النار l'enfer il s'est plaint auprès d'Allah سبحانه وتعالى. هذا c'est un dalil que l'enfer il est déjà créé. Et l'enfer, il est présent. Cette demeure que Allah subhanahu wa ta'ala, il a préparée pour ceux qui lui désobéissent, min al-kuffar wa min ghayrihim, lakin pour les croyants, walillahi alhamd, même s'ils rentrent, c'est qu'une durée déterminée, lakin c'est la demeure des kuffars qui resteront éternellement, elle est déjà créée. Et cet enfer, il s'est plaint auprès d'Allah. Limada, qala, fa qalat ay an-nar. Ça, c'est un dalil que nar, l'enfer, il parle. فقالت يا رب أكل بعضي بعضا. Et tellement que le feu de هذه جهنم, de cet enfer, tellement que il est شديد, فيأكل بعضه بعضا. Et le feu il attaque l'enfer, عيدا بالله. فاشتكت النار. فأذن لها بنفسين. Allah سبحانه وتعالى lui a permis deux نفس. النفس on a, madri, comment on pourrait traduire deux souffles. Si on peut, non, là, là où il traduit ça, hakada. Par deux souffles, Allah lui a autorisé de souffler deux fois dans l'année. Aïe, hatta, yukhafif anha hada l'alam. Pour soulager l'enfer de ce feu ardent. Deux fois. Qala nafasun, ou nafasin fi shita, wa nafasin fi s-sayf. Une fois durant l'hiver. Et une fois durant l'été. قال فأشد ما تجدون من الحر من سموم جهنم. Donc toujours, vous avez remarqué durant l'année, la période de l'été, il y a toujours quelques jours avec ce qu'ils appellent la canicule. Vraiment, les températures elles montent et ça dure un jour, deux jours, une semaine. Dans la plupart des pays, c'est comme ça. Enfin, cette période, c'est quand جهنم, il y a ce souffle. قال وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. ثم كذلك en hiver. Tu as toujours une petite période, un jour, deux jours, dix jours, une semaine, أن les températures elles chutent. فهذا c'est من هذا النفس. C'est le souffle de l'enfer. Ça nous montre أن le châtiment de l'enfer, ça peut être avec un nar, avec le feu, un feu extrême ou un froid extrême. أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم قال ولا شك أن الله تعالى خلق لعباده دارين يجزيهم فيهم بأعمالهم مع البقاء في الدارين من غير موت وخلق دارا معجلة للأعمال وجعل فيها موتا وحياة وابتلى عباده فيها بما أمرهم به ونهاهم عنه. نعم. Et Allah سبحانه وتعالى il a créé ce bas monde, il nous a créé pour nous éprouver. ثم قال وهذه الدار الفانية ممزجة بالنعيم والألم فما فيها من النعيم يذكر بنعيم الجنة وما فيها من الألم يذكر بآلام النار. Pour celui qui réfléchit, أن tout ce que tu possèdes comme bienfait dans ce bas monde, la bonne santé, toutes ces nourritures, toutes ces boissons, ces enfants, les épouses, il a arrêté tout ça, ça doit te rappeler les bienfaits du paradis. Et tout ce qui nous touche comme mal, si on prend l'exemple maintenant, la sécheresse, ou quelqu'un qui se brûle, ou les maladies, ou il a arrêté tout ça, ça doit nous rappeler les châtiments de l'enfer. قال وجعل الله تعالى في هذه الدار أشياء كثيرة تذكر بدار الغيب المؤجلة الباقية. Et Allah سبحانه وتعالى dans cette dunya, il y a beaucoup de choses qui nous rappelle Al-Akhira. Parmi ces choses, bien sûr, les fortes chaleurs ou le froid extrême. كما تقدم. وقوله ما يذكر بالنار. Certaines choses, ça nous rappelle في هذه الدنيا l'enfer. فإن الله تعالى جعل في الدنيا أشياء كثيرة تذكر بالنار. ثم قال نعم المعد لمن عصاه وبمن فيها وبما فيها من الآلام والعقوبات من أماكن وأزمان وأجسام وغير ذلك. Tu as des lieux, tu as des périodes, et كذلك tu as des choses comme le soleil مثلا qui te rappellent l'enfer. قال أما الأماكن فكثير من البلدان مفرطة الحر أو البرد. Donc vu qu'on est dans فصل الصيف, quand tu es éprouvé أخي الكريم, encore plus certains de nos frères qui vivent dans des pays très très chauds, فالمؤمن, même des températures, même les différentes saisons, c'est un rappel pour lui. Et on rappelle, c'est l'objectif de la lecture de ces chapitres aujourd'hui. فهذا الحر الشديد, c'est un rappel pour toi. قال فبردها يذكره بزمهرير جهنم وحرها يذكره بحر جهنم وسمومها. هذا تقدم. قال وبعض البقاع يذكر بالنار كالحمام. ما الحمام؟ الحمام هنا c'est pas les toilettes. الحمام هنا c'est والليل الحمد. Donc dans certains pays ils appellent الحمام بهذا المعنى, أي c'est les endroits très très chauds pour se laver. Et معروف, même en français الآن ils emploient ce mot. قال أبو هريرة رضي الله عنه نعم البيت الحمام يدخله المؤمن فيزيل به الدرن ويستعيذ به ويستعيذ بالله فيه من النار. الله أعلم صحة هذا الأثر, il faudrait faire des recherches, لكن المعنى إلى الطيب أن الحمام تستفيد منه, quand tu vois حمام تستفيد منه deux فائدة. La première فائدة أن ça enlève les saletés. لا شك هذا أن الحمام c'est parmi les meilleurs moyens pour se laver et pour que la saleté elle sorte du corps. Et كذلك قال فيزيل به الدرن, الدرن c'est الأوساخ, la saleté, ويستعيد بالله فيه من النار. لماذا يستعيد بالله فيه من النار؟ لماذا؟ لأن المؤمن في هذا الحال il se rappelle de l'enfer. تعلمون أن بعض الحمامات هذه ça rappelle جدا l'enfer. لماذا؟ لأن c'est par niveau. Tu vois, la première salle il fait assez chaud, لكن c'est plus que supportable. ثم tu as une deuxième salle, c'est un peu plus chaud. ثم tu as une troisième, une quatrième, et la dernière, si on dit que c'est la cinquième, il fait extrêmement chaud. Mais beaucoup de gens ils ont du mal à rester dans la cinquième pièce. لكن elle est très très efficace. هذا في الحقيقة c'est un rappel pour celui qui réfléchit. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لأن l'enfer c'est exactement la même chose, c'est des niveaux. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ففي هذا الحال si le mu'min il se rappelle quand il est au hammam et ces différents niveaux, et أحيانا tu as du mal à respirer, il fait très très chaud, tu patientes pour te laver, في هذا الحال c'est une dhikra pour le mu'min. On détaille pas هنا est-ce que le hammam c'est autorisé, c'est pas autorisé. Là chaque année beaucoup de hammams qui sont propagés l'un dans certains pays, pour les femmes c'est clair, il y a un nahi. لأن la femme elle doit pas se dévêtir autre que chez elle. Et pour les hommes, يحضر, surtout dans certains pays c'est des hammams, des salles en groupe, et certains ils sont presque nus ou nus. فهذا الإنسان bien sûr يجتنب, لكن نحن on parle s'il y a un hammam et il y a pas une chose qui cause que ça devienne interdit bien sûr. ثم قال وتزوج صلة بن أشيم فدخل الحمام ثم دخل على زوجته تلك الليلة. Cet homme qui s'est marié et la nuit de son mariage il est parti au hammam pour se laver. ثم il est parti rejoindre son épouse. قال فقام يصلي حتى أصبح. Toute la nuit il a veillé في الصلاة. لماذا؟ Pourquoi؟ وقال دخلت بالأمس بيتا أذكرني النار ودخلت بيتا ذكرت به الجنة. Hey, ces deux situations, al-hammam et rejoindre sa femme, ça lui a rappelé l'enfer et le paradis. Qala falam yazil fikri fiha hatta asbah. Thumma il a pensé et s'est mis à faire salat jusqu'au matin. Limadha li'anna al-hammam avec la chaleur et l'akhir, ça l'a fait penser, ça lui a rappelé l'enfer et le fait de rejoindre son épouse et ce bienfait, le mérite du, les bienfaits et les mérites du mariage, il a akhir, ça lui a rappelé al-jannah. Hakadha. هكذا السلف يprenait des عبر et des مواعظ de tout ce qu'il vivait. C'est pour ça que c'est une cause énorme pour avancer. Mais celui qui vit في غفلة pense qu'à الدنيا, pense qu'à son ventre, il pense qu'à ses poches, il pense qu'à consommer. Mettre ce qu'on vit, hein. Une génération de consommateurs. بعض الناس لا يعتبرون بشيء ولا يتفكرون. Ils avancent, هكذا, ils foncent. هذا c'est pas حال المؤمن. المؤمن, il prend des عبار, bien sûr, du Coran Karim, de la révélation, et هكذا, de sa vie de tous les jours. قال كان بعض السلف إذا أصاب كرب الحمام يقول يا بر يا رحيم من علينا وقنا عذاب السموم. نعم, بعض السلف quand il rentrait في الحمام, des pièces, comme on a dit, elles étaient très très chaudes. Il disait يا بر يا رحيم من علينا وقنا عذاب السموم. Ça les rappelait de l'enfer. صحيح لأن الحمام هذا, tu vas rester combien? Surtout dans les pièces les plus chaudes. Tu vas rester 2 minutes, 5 minutes, un quart d'heure maximum. Thumma, tu vas sortir. Thumma, tu vas boire de l'eau fraîche. Thumma, wallahilham, tu vas sortir à l'air libre et ça change tout. Amma fi an-nar. C'est pour ça que alladhi yata'ammal hadha. Et on n'est pas à l'abri de cette demeure. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve. Celui qui rentre, comment il va faire pour sortir? Sauf les croyants qui rentreront et qui sortiront bi shafa'ati shafi'in ou bi rahmati arhamir rahimin. L'insan, il doit pas jouer avec son din. Il doit pas penser qu'à dunya. Et là, on répète, on n'est pas à l'abri. ثم قال صب بعض الصالحين على رأسه ماء من الحمام فوجده شديد الحر فبكى. أحد الصالحين الإمام ابن رجب رحمه الله يغبط أنه يسلاف avec de l'eau chaude et elle était très très chaude. ثم il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? قال ذكرت قوله تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Ça fait partie des châtiments de ceux qui rentreront en enfer, et yadam billah, an sur leur tête, un liquide de l'eau bouillante, elle sera versée. Fahada salih, quand il s'est lavé et il a ressenti que l'eau, elle était assez chaude, très chaude, ça l'a fait penser à se verser, et il a pleuré. Ta'ammal, hal ha'oula. Même quand il prenait leur douche, il va au hammam, toutes les ibar, toutes les leçons qu'on vient de tirer. Wa nakhtasir li anna al-waqt dhahab, na'am, ou naktafi bihada. Pour as-sayf, na'am, naktafi bihada, et on passe à notre deuxième dars, bi'idnillah azza wa jal, et on finit le troisième majlis, fi dhikr al-shita, l'hiver, et la conclusion sur le repentir de l'imam ibn Rajab, rahimahullah.